T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu... Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gemozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes plutôt en forme pour commencer cette nouvelle semaine. Et c'est déjà une semaine avant Noël, et oui, lundi prochain ce sera déjà le 24 décembre, le soir du réveillon, ça passe extrêmement vite. Mais en tout cas voilà, on a encore une semaine à passer ensemble avant de faire une petite pause pendant les fêtes de fin d'année. Et en ce lundi 17 décembre, on souhaite une bonne fête au Gaël. Ça vient du breton signifiant seigneur généreux. Gaël peut sembler un personnage à part, réservé, parfois étrange ou déroutant. Indépendant en apparence, il a du mal à vivre seul et aura besoin, sur un plan affectif, de pouvoir compter sur quelqu'un. Le foyer et l'environnement familial sont importants pour lui. Il fera tout pour en trouver l'équilibre et l'harmonie. Il aime le confort et un intérieur douillet et il acceptera volontiers que quelqu'un d'autre que lui assure l'intendance, le quotidien. Il lui faudra trouver une âme sœur qui ne néglige ni ses chemises ni la cuisine. Que l'on prenne soin de lui et le voici le plus heureux des hommes. Sa réserve peut cacher un tempérament orageux. Son insatisfaction, je vais y arriver, aidant, il se laissera parfois aller à des excès de colère, des explosions brèves mais redoutables. Professionnellement, il recherche l'indépendance et parfois une certaine marginalité. Le principal est qu'il fasse ce qu'il veut, comme il le veut et quand il le veut. Ne comptez pas sur lui pour des excès de zèle. Si le sujet ne le passionne pas, il ne fera aucun effort. La recherche intérieure, l'étude de la psychologie, de la parapsychologie, des religions satisferont son aptitude à comprendre, à analyser et à éclairer les autres. Il prodiguera son aide, certes, mais évitera cependant de trop s'investir personnellement. Dicton du jour, en décembre, journée courte, longue nuit, l'abeille se tait, le jonc gémit. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée internationale pour la fin des violences faites aux travailleurs du sexe. Et dans les événements qui se sont déroulés un 17 décembre en 1989, c'était la première diffusion aux États-Unis des Simpsons. Allez, on va tout de suite marquer une première pause musicale avec REM et leur titre Everybody Hurts. When your day is long and the night is yours alone. Sure you've had enough of this life. Well, hang on. Don't let yourself go. Everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, hold on. Hold on. If you feel like letting go, if you think you've had too much. Le groupe REM sur RGM. Allez, ça rime. Il est un peu plus de 8h38. On est toujours dans la matinale hein, et on va passer eh bien, aux anniversaires. Ils sont nés un 17 décembre. On commence en 1936 avec la naissance de Georges Mario Bergoglio. On le connaît plus sous le nom de pape François, hein, 266e pape en fonction depuis 2013. 1944, naissance de Bernard Hill, acteur britannique, vu dans le film Titanic dans le rôle du commandant Edward John Smith, Le songe d'une nuit d'été, Le roi scorpion, Le seigneur des anneaux, Les deux tours et Le seigneur des anneaux, Le retour du roi dans le rôle de Théoden. 1945, naissance d'Ernie Hudson, acteur américain vu dans SOS Fantômes 1 et 2 dans le rôle de Winston Zeddemore, dans la série télé Oz dans le rôle de Leo Glynn, dans Once Upon a Time, la saison 4 dans le rôle du roi Poséidon, dans le téléfilm Miss Détective et Miss FBI divinement armée dans le rôle du directeur adjoint du FBI, Harry McDonald. 1946, naissance d'Eugène Levy, acteur canadien, connu pour avoir joué le rôle de Noah Levenstein, le père de Jim dans la série de films American Pie. À noter qu'il est le seul à apparaître dans les 8 films. 1953, naissance de Bill Pullman, acteur américain, vu dans Independence Day dans le rôle de Thomas Whitmore, rôle qu'il a d'ailleurs repris dans la suite Independence Day Resurgence, vu également dans Mr. Wrong ou encore Lost Highway. 1958, naissance de Mike Miles, musicien américain, bassiste du groupe REM. 1959, naissance de Lionel Chamoulot, journaliste sportif français spécialisé dans le tennis. 1971, naissance de Claire Forlani, actrice britannique, vue dans Rencontre avec Joe Black dans le rôle de Suzanne Parrish. La série télé Les Experts Manhattan dans le rôle du docteur Peyton Driscoll. NCIS Los Angeles dans le rôle de Lauren Hunter ou encore Hawaii 5-0. 1974, naissance de Giovanni Ribisi, acteur américain vu dans Lost Highway, Il faut sauver le soldat Ryan, 60 secondes chrono, Lost in Translation, Avatar dans le rôle de Parker Selfridge, rôle qu'il reprendra d'ailleurs dans le deuxième volet, sortie prévue pour 2020, vu également dans la série télé Friends dans le rôle de Frank Buffet Jr. 1975, naissance de Mila Jovovich, mannequin actrice américaine, vue dans Le Cinquième Élément dans le rôle de Lilou, dans Jeanne d'Arc, dans le rôle de Jeanne d'Arc, dans Zoolander 1 et 2 dans le rôle de Katinka ou encore la saga des Resident Evil dans le rôle d'Alice. 1977, naissance d'Arnaud Clément, ancien joueur de tennis français, ayant fait carrière de 1996 à 2012. En simple, il a été 10e mondial en 2001, une fois finaliste à l'Open d'Australie, quart de finaliste à Wimbledon ainsi qu'à l'US Open et 8e de finaliste à Roland-Garros. En double, il a été 8e mondial, c'était en 2008. Il a gagné une fois à Wimbledon, une fois finaliste à l'Open d'Australie, demi-finaliste à Roland-Garros. Quart de finaliste à l'US Open, il a remporté la Coupe Davis en 2001 et il a été capitaine de la Coupe Davis de juin 2012 à septembre 2015. 1982, naissance de Ben Goldwasser, musicien américain, membre du groupe MGMT, dont on écoute tout de suite un extrait du titre « Kids ». Voilà pour l'extrait du groupe MGMT avec le titre Kids. On continue. 1983, naissance de Sébastien Ogier, pilote automobile français, champion du monde des rallyes en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. 1987, naissance d'Ophélie Meunier, mannequin, ancien mannequin française, devenue journaliste, animatrice télé. 1996, naissance de Kungs, DJ, auteur-compositeur français. 2007, naissance de James Mountbatten Windsor, prince britannique, fils cadet du prince Édouard, petit-fils, un des petits-fils hein, de la reine Elisabeth II. En 1830, décédé Simon Bolivar, militaire homme politique vénézuélien, président de plusieurs nations d'Amérique latine. En 1987, décédé Marguerite Yourcenar, femme de lettres française, première femme élue membre de l'Académie française en 1980. Et en 2011, décédé Césaria Évora, chanteuse capverdienne. Et tout de suite, on écoute Kungs avec son titre « I feel so bad ». Avec I Feel So Bad sur le 107 FM. Il est un petit peu plus de 8h48, on fait un point météo. La météo. Alors après la neige d'hier, et oui, il y a neigé hier, hein, si toutefois vous n'aviez pas ouvert vos volets hier, eh bien on a eu un petit manteau blanc. Mais aujourd'hui, ce sera principalement des nuages avec un petit peu de pluie. Et alors pour avoir de la neige, il faudra vraiment monter sur les sommets vosgiens. Pour les températures, c'est compris entre 3 et 4 degrés ce matin, entre 4 et 5 degrés pour cet après-midi. Pour mardi, ce sera des éclaircies, des températures comprises entre moins 1 et 0 degrés le matin et entre 5 et 7 degrés prévus pour mardi après-midi et mercredi, le retour de la pluie, des températures comprises entre 3 et 4 degrés le matin et entre 5 et 6 degrés l'après-midi. Allez, on fait un point maintenant sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on commence tout de suite avec le handball féminin. Et oui, elles sont championnes d'Europe, nos handballeuses françaises qui ont battu hier soir la Russie 24-21. Les Françaises qui avaient perdu de 3 points face à la Russie en ouverture de 7 euros, eh bien elles ont pris leur revanche en s'imposant de 3 buts d'écart, hein, en finale. Une finale qui a été marquée par l'expulsion d'Alison Pinault, hein, suite à son pénalty qui a été jugé dangereux. Il a tout de même été accordé, hein, pour l'équipe de France, mais voilà, la Française a été expulsée, ce qui a réveillé, hein, l'accord Hôtel Arena, si besoin en était. Et en tout cas, voilà, je pense que cette décision arbitrale a donné la rage de vaincre aux coéquipières d'Alison Pinault, qui n'ont rien lâché jusqu'au bout et qui ont donc battu les Russes et qui sont championnes d'Europe quasi jour pour jour après avoir remporté leur titre de championne du monde, puisque c'était il y a un an, pile aujourd'hui. Donc voilà, nos Françaises sont championnes du monde, championnes d'Europe. Et grâce à ce titre, eh bien, elles sont qualifiées pour les Jeux Olympiques de 2020. Parfait. Allez, on continue cette actualité avec le football et les quelques résultats de Ligue 1, où Reims s'est imposé 2-1 face à Strasbourg. Nice et Saint-Étienne ont fait match nul, un but partout. Lille s'est imposé 3-2 à Nîmes et Lyon s'est imposé 3-0 face à Monaco. Demain, Caen reçoit Toulouse. En Ligue 2, Nancy et Troyes ont fait match nul, un but partout. Ce soir, Metz se déplace à Valenciennes. En National 2, le match entre Épinal et l'équipe de Delance a été remis en cause, une pelouse gelée. En National 3, Raon-l'Étape s'est incliné à 3-0, je vais y arriver. Et Thaon-les-Vosges s'est imposé 1-0 face au FC Aglo-Troyenne. En basket, en Pro B, victoire de Nancy face à Rouen 81-73. En National 1, défaite du Jet Vosges face à Kaysersberg 86-90. En National 3, défaite de Mirecourt face à Ozoir Val d'Europe 50-64. En hockey sur glace, victoire d'Épinal en Détroit face au Luxembourg, 6-2. Les Spinaliens terminent donc l'année 2018 avec 10 victoires en autant de rencontres. Un mot de cyclocross au Japon, il fallait être insomniaque pour suivre la performance de Steve Chenel ce week-end. Dans la nuit de vendredi à samedi, il a remporté sa première épreuve internationale. On termine avec le biathlon, avec l'étape de Orfersen. Le sprint messieurs a été remporté par Johannes Bö devant Martin Fourcade et troisième Bénédicte Doll, quatrième Antonin Guigona, septième Simon Détieux, 24e Emilien Jacquelin, 39e Quentin Fillon-Maillet et 40e Aristide Bègue. Florent Claude a terminé 15e de ce sprint. Et la poursuite messieurs a été remportée par Martin Fourcade avec un 20/20. Il n'est pas en grande forme, mais il nous revient quand même en forme. Il devance Anne Pfeffer et le Norvégien Christian Zen. Johannes Bö termine 9e de cette poursuite. Il a complètement craqué. Pour les autres Français, 11e Simon Détieux, 16e Antonin Guigona, 20e Quentin Fillon-Maillet, 27e Emilien Jacquelin, 41e Aristide Bègue et Florent Claude signent un top 10 avec la 10e place de cette poursuite. Et la poursuite dame a été remportée par Makairanen devant Fialkova et Dorothée Avireur, 10e Julia Simon, 13e Anaïs Chevalier, 24e Célia Aymonier, 29e Anaïs Bescon et 42e Justine Brezaz. Le relais féminin d'hier a été remporté emporté par l'Italie devant la Suède qui devance de quelques secondes la France qui termine donc troisième de ce relais. Et côté messieurs, ce n'est pas un relais à retenir pour l'équipe de France qui termine neuvième avec deux tours de pénalité et 12 pioches. Ce relais a été remporté par la Suède devant la Norvège et l'Allemagne. Un mot avec l'IBU Cup où côté sprint, c'est Fabien Claude qui avait terminé premier français à la quatrième place devant Rivail 5e et Simon Fourcade 8e. Et la poursuite, c'est Simon Fourcade qui termine premier français à la troisième place. Fabien Claude, lui, termine 5e. Voilà pour cette actu. On marque tout de suite la dernière pause musicale avec Cesaria Evora et le titre Besame Mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche. Tenerte y perderte después. Si fuera esta noche la última.